Je vins. Dans cette vie où nous ne sommes que pour un temps aussitôt fini, l'instinct des oiseaux et des hommes sera toujours de faire un nid. Et d'un peu de paille ou d'argile, tous veulent se construire, un jour, un humble toit, chaud et fragile, pour la famille et pour l'amour. Par les yeux d'une fille d'Ève, mon cœur, profondément touché, avait fait aussi ce doux rêve d'un bonheur étroit et caché. Rempli de joie et de courage, à fonder mon nid je songeais, mais un furieux vent d'orage vient d'emporter tous mes projets. Et sur mon chemin solitaire, je vois, triste et le front courbé, tous mes espoirs brisés à terre, comme les œufs d'un nid tombé. François Coppée.